À la banque. Est-ce que je peux changer d'échec de voyage? Certainement, madame. Où est mon carnet? Ah, le voilà. Je vais changer ces deux chèques. C'est urgent parce que j'ai un rendez-vous chez mon coiffeur. Et le salon de coiffure est loin. Est-ce que vous voulez les signer, s'il vous plaît? Certainement. Non, pas là. Vous signez au mauvais endroit. Est-ce que vous voulez barrer votre signature, approuver et signer là? Merci, madame. Voilà votre ticket. Est-ce que vous voulez le donner au caissier? Pour le dollar, le taux de change est très favorable. Parfait. Enfin, je peux aller chez le coiffeur.